Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'Histoire, une émission spéciale consacrée aux femmes. Pour terminer cette semaine, on vous a présenté le portrait de quatre femmes qui ont marqué leur temps. Simone de Beauvoir, Cléopâtre, George Sand et la reine Élisabeth II. On termine notre série d'émissions sur ces femmes qui ont fait l'histoire avec une grande question qu'on va poser à certains des invités qui ont participé justement à nos émissions cette semaine. Quelle place fait-on aux femmes dans l'histoire? Les femmes y ont-elles la juste place qui leur revient? Où en sommes-nous dans une histoire où les femmes auraient justement leur juste place? Et puisque nous n'y sommes pas encore, on vous présentera quelques portraits de femmes oubliées. Il me semble que, comme on n'est pas en guerre avec la moitié de la population, c'est-à-dire les femmes, ça serait peut-être une bonne idée qu'on finisse par les avoir dans notre propre histoire. Vous allez prendre la route des vacances, vous allez probablement, pour plusieurs d'entre vous, vous retrouver sur l'autoroute du souvenir. Puis ensuite, vous aurez le choix. En vous promenant sur l'autoroute Félix Leclerc, l'autoroute Jean Lesage, l'autoroute Jacques Aubrédé, l'autoroute Louis Bilodeau, l'autoroute Antonio Barrette, Claude Béchard, qui est un ancien ministre éphémère de Jean Charest, bon, mort prématurément, bien sûr, a même son segment d'autoroute, Maurice Duplessis a son autoroute, Henri IV, le roi de France, a son autoroute, Joseph Armand Bombardier, Jean-Noël Lavoie, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Ça manque de femmes! Il n'y en a pas une maudite! Pas une! Alors, c'est à croire que tous les chemins mènent à la figure de l'homme dans ce pays, ce qui est un peu particulier. C'est invraisemblable que dans toute l'activité humaine qui a constitué le Québec au fil du siècle, qu'il y a si peu de place, si peu d'attention accordée aux femmes. Et de tout ça, on a fini par oublier une partie de la population qui est, bien sûr, l'histoire des Noirs, l'histoire des femmes, l'histoire des ouvriers, l'histoire des Autochtones, qui sont des gens qui étaient là, qu'on a volontairement oublié et qu'il faut certainement ramener pour constituer une espèce de tout qui soit cohérent. Ça ne peut pas être une suite de fragments éclatés qui ne se touchent pas ensemble, l'histoire d'un pays. Le journaliste et historien Jean-François Nadeau à l'émission Le 15-18, animée par Annie Desrochers en juin 2016. On va profiter de cet extrait pour le moins parlant du 15-18 pour amorcer notre réflexion sur la place qu'occupent les femmes en histoire. Avec moi, deux historiennes qui ont participé à notre série d'émissions cette semaine. Yolande Cohen, qui est professeure à l'Université du Québec à Montréal, professeur d'histoire, qui était avec nous pour le portrait qu'on a consacré à Simone de Beauvoir. Madame Cohen, bonjour. Bonjour. Évelyne Ferron, historienne, habituée de l'émission, qui elle a participé à l'émission sur Cléopâtre. Oui. Bonjour. Bonjour. Revenons à cet extrait tout de suite, on ne va pas s'en priver. Il y avait quelque chose de succulent, de très parlant, je le disais, dans ce que racontait Jean-François Nadeau. Comment expliquer que les femmes occupent si peu de place dans les noms que l'on donne à nos autoroutes, à nos rues, à nos parcs, dans l'espace public? Et qu'est-ce que ça nous dit sur le peu de place, je présume, qu'occupent encore les femmes dans l'histoire? Évelyne Ferron. Bien, c'est sûr que si on prend l'exemple qu'a donné Jean-François Nadeau, c'est qu'on a beaucoup de noms d'hommes qui se sont impliqués en politique à une époque où il y avait peu de femmes en politique aussi. Donc, c'est comme si l'héritage politique était ce qui valait un nom de rue aussi. Donc, je veux dire, il y a plein d'hommes en sciences qui auraient peut-être mérité tout autant un nom de rue ou des femmes en sciences. On voit qu'il y a vraiment une décision d'honorer des gens qui ont fait quelque chose politiquement peut-être pour le Québec. Donc, comme les femmes commencent enfin à s'impliquer en politique, qui sait, peut-être que là, quand on décidera de renommer un tronçon de route, on n'arrivera pas enfin à mettre une politicienne québécoise. Est-ce que ça ne fait pas partie de l'ensemble du problème quand on essaie de mesurer la place ou le peu de place qu'ont les femmes en histoire encore aujourd'hui? C'est que l'histoire, traditionnellement, ça a changé. Yolande Cohen, vous avez passé votre vie à essayer de réinventer la façon dont on faisait l'histoire plus populaire, mais est-ce qu'une partie du problème au départ, c'est pas que l'histoire a toujours longtemps été une grande histoire institutionnelle faite de politique, de guerre, un monde d'hommes, essentiellement. Oui, l'histoire suit de très près, finalement, la valorisation qu'une société accorde à l'activité publique. Et au moment même où les femmes sont exclues du droit de vote, à la fin du XVIIIe siècle, dans la plupart des pays occidentaux, on décide que, finalement, la femme, c'est de l'ordre du privé et les hommes sont de l'ordre du public. Et la valorisation suprême, c'est celle qui est accordée au public. Et donc, cette dichotomie qui existe et qui continue d'exister aujourd'hui, on le voit bien dans cette entrevue, c'est que finalement, ce qui est public et ce qui est politique, d'ailleurs, de la même façon, est ce que l'histoire va retenir. Ouais. Et d'une certaine façon, l'histoire a toujours été collée au public, au national, aux grandes institutions. Mais depuis peut-être un demi-siècle ou un siècle, un demi-siècle, 70 ans, on peut dire que l'histoire a changé. Ouais. Et que les mémoires y compris des individus, des groupes, apparaissent davantage. Et d'ailleurs, la question de la mémoire va se retrouver dans les institutions comme les autoroutes, justement. Comment on nomme une autoroute? Et on sort peut-être, parce qu'on a aussi reproché beaucoup à l'histoire, en plus d'être très institutionnelle, très, très axée sur, encore une fois, les faits d'armes, d'être une histoire bâtie autour de personnalités, d'individus très forts, ce qui fait qu'on a plutôt parlé d'hommes que de femmes traditionnellement. Est-ce que ça, ça contribue pas, le fait qu'on commence à s'intéresser dans cette nouvelle histoire, nouvelle, entre guillemets, histoire populaire, au mouvement ouvrier. Est-ce que ça, ça ne contribue pas à donner une plus grande place aux femmes, Yveline Ferron? Oui, ben, en fait, moi, comme l'Antiquité étant ma spécialité, par contre, là, c'est un peu différent, je dirais, des autres époques, parce que les femmes, même les mères au foyer ou autres, on fonctionne avec les archives qu'on a. Oui. Et donc, si on a des archives d'une famille, ben, souvent, on a les archives qui mettent en valeur la mère, ben, on a enfin une mère qui, même si elle n'est pas une femme politique ou quoi que ce soit, arrive dans l'histoire, les livres d'histoire d'Égypte ancienne, parce que ben, c'est, ce sont les archives qu'on a. Donc, on a cet avantage-là, je dirais, souvent avec... Et c'est votre terrain, vous êtes une égyptologue, enfin, vous vous intéressez à l'Égypte. Oui, histoire ancienne, oui, mais société, c'est l'Égypte gréco-romaine. Mais vous dites que c'est un peu une exception, l'Égypte. Oui, parce que l'Égypte fournit des papyrus. Et c'est pour ça qu'on est peut-être... Et la femme est valorisée dans cette société. Oui, on aime la femme, elle est l'égale de l'homme, elle a le droit de divorcer, elle a le droit de posséder la maison. En fait, c'est un partenariat avec le mari, l'Égypte ancienne. Pas juste l'époque gréco-romaine, c'est l'époque, dans l'époque pharaonique aussi. Et les femmes sont des femmes d'entreprise. Donc, même à l'époque gréco-romaine, on a des anthologies d'archives de papyrus qui ont survécu dans le désert, et c'est la merveille de la chose. Elles sont moins anonymes parce qu'on a de la documentation privée, et non pas public. Et on voit des femmes qui gèrent des entreprises agricoles, qui gèrent des entreprises même de transport de chameaux dans les oasis. Alors, grâce à ça, on a peut-être un point de vue, je dirais, qui est un petit peu différent. Et si on va en aller en Inde, Jacques, juste pour terminer là-dessus, la mère de famille... qui commence à être valorisée. On parlait de peut-être les ouvrières et tout ça, mais la mère de famille commence enfin à apparaître plus dans l'histoire et à être vue comme quelque chose de très positif. On voit le courage que ça prenait aussi à certaines époques pour gérer des familles. Donc, l'Inde a toujours mis ça, la mère, même si vous regardez un film de Bollywood encore aujourd'hui, la mère, elle est valorisée. Il y a certaines sociétés, quand on regarde la map monde, il y a certaines sociétés qui, dans l'histoire, ont davantage valorisé les femmes que d'autres sociétés. Je dirais que la mère de famille a été aussi beaucoup valorisée. Bon, on n'a qu'à voir l'histoire du Québec, mais dans l'histoire contemporaine, 18e, 19e, 20e, jusque presque à la Deuxième Guerre mondiale, la mère de famille était vraiment ce qui était justement l'équivalent de ne pas avoir le vote. On avait le pouvoir dans la maison. Et c'était un peu une espèce d'échange qu'on faisait pour dire, bon, finalement, et d'ailleurs... Un des grands motifs de l'exclusion du droit de vote et même de femmes qui ont accepté de ne pas voter et qui étaient contre le suffrage, c'était de dire on va perdre notre pouvoir dans la famille, on va se salir les mains dans la politique, etc. Et donc la mère de famille est valorisée. Le problème, c'est que à partir d'un certain moment, et d'ailleurs à partir des politiques sociales qui vont être mises en place, ces politiques sociales vont donner un pouvoir à la mère, mais plus de pouvoir à l'État. Oui. Et donc, l'État va se substituer aux hommes. Et donc, là, on devient vraiment... et les féminismes contemporains dévalorisent totalement le rôle de la mère de famille. Mais il reste que même si, à une certaine époque et dans certains milieux, on valorise la mère de famille, il reste que ce qu'on retient généralement quand on parle d'histoire, de grande histoire, quand on fait une recherche encore aujourd'hui, femme, histoire, c'est les 10, 20 mêmes noms qui reviennent toujours. Ce qu'on retient, c'est pas la mère de famille, c'est ce qu'on a fait cette semaine. C'est Cléopâtre, c'est Georges Sand. Qu'est-ce qui fait que celles dont on a décidé de parler, celles qui ont réussi à se faire une place en histoire, qu'est-ce qui les caractérise? Elles sont marginales. C'est celles qui ont transgressé. Oui, exactement. Elles ont transgressé le modèle qui était le modèle traditionnel qu'on voulait assigner aux femmes et à toutes les femmes. Elles sont devenues, c'est des femmes qui ont eu du pouvoir, alors que d'habitude les femmes n'ont pas de pouvoir, ou bien ce sont des femmes qui ont une liberté sexuelle, alors qu'en général, on essaye d'astreindre la sexualité à la procréation. Donc, ça revient tout le temps. Oui. Écoutez, c'est fascinant. À part Élisabeth II, celle qu'on a fait cette semaine, Simone de Beauvoir, Georges Sand, Cléopâtre. Et on a beaucoup insisté sur les amours de Georges Sand, sur la séductrice Cléopâtre. Pourquoi? Quel poids ça a dans le fait qu'on choisisse de parler d'une femme tout de suite en essayant de voir mais quel genre de sexualité elle avait? on l'étiquette parce que ça vend. Ça a toujours été plus populaire. Pourquoi on fantasmait sur Cléopâtre à la Renaissance? C'est que justement, on avait aimé l'espèce de propagande de l'époque romaine où on en faisait en fait une sorcière qui appâtait les hommes. Parce qu'on voyait en fait que Jules César et Marc-Antoine, qu'on voyait comme des grands hommes, pourquoi ils étaient tombés dans séduit, le piège? C'est voilà! Séduit! Il y a un pouvoir quelque part. Il y a une explication pourquoi ils sont tombés dans le panneau. C'est comme ça qu'on va voir ça. Mais il y a vraiment l'idée que la femme a toujours beaucoup été vue aussi par sa sexualité, par sa beauté. Et ça, ça vend. On est en 2018, je nommerai pas les chaînes, mais on voit encore des publicités d'émissions d'histoire. Ou diffusées aujourd'hui, qu'est-ce qu'on met dans la publicité? On voit en fait qu'elle est séductrice, elle a une sexualité épanouie. Si on mettait femme d'État, femme de tête, femme intelligente, est-ce qu'on on attirait autant les clics? C'est peut-être une lecture d'homme. Est-ce qu'il y a même un biais idéologique? Je vous donne un exemple. Quand on a fait l'émission sur George Sand, une de nos invitées, Martine Ried, disait « Si on s'est tant intéressé aux amours de George Sand, c'est qu'on ne voulait surtout pas lui reconnaître l'importance qu'elle a eue comme auteur. » Est-ce qu'il y a de ça? Oui, certainement, je pense que ces femmes qui sont des grandes écrivaines, au moment où on essaye de faire taire finalement les femmes, le 19e siècle, c'est vraiment ça. Le 19e siècle, il y a vraiment une assignation des femmes à une place qui est celle du foyer. Et on ne doit pas en sortir. C'est ça, être une femme au 19e siècle. C'est le règne de la bourgeoisie et d'une bourgeoisie un peu qui, justement, essaie de faire des places comme ça, spécifiques. Et George Sand transgresse totalement l'ensemble. Elle prend un nom d'homme, elle écrit, elle a des relations amoureuses avec le tout Paris, quasiment. Oui. C'est vraiment... Enfin, je dirais pas amoureuse, mais au moins des relations. Elle tient salon, elle va dans les cafés. Mais ce n'est que ça qu'on retient, alors que c'est une auteure importante, alors que c'est une remarquable. Femme très engagée socialement. Absolument, remarquable. Mais il y a toute l'opinion publique, il y a toute cette... Parce que quand même, c'est aussi le règne de la presse au 19e. Et donc, on a vraiment une construction qui est très, très importante. On ne se rend pas compte à quel point c'était important de construire ce rôle féminin privé. Mmh. Et donc, en excluant celle qui ne... correspondait pas à ce modèle, on contribue à construire ce modèle. On en est où? Quel chemin a été parcouru au moment où on se parle? Dans quelle mesure on progresse ou pas? Est-ce qu'il y a eu un moment décisif, une charnière, Évelyne Ferron? Je pense qu'à partir des années 60, si on parle du Québec, mais même si on va ailleurs, l'Angleterre a peut-être été un petit peu plus rapide là-dessus, mais je pense que quand des femmes ont commencé à s'exprimer sur la place publique en disant, écoutez, reconnaissez aussi la femme. Ici, je vais vous citer Beatrix Potter du côté de l'Angleterre, qui est l'auteur de Peter Rabbit. Là, on va dire, l'auteur Peter Rabbit. Elle a été une femme très fortunée qui a acheté énormément de terres agricoles, en fait, dans le nord d'Angleterre. Elle a dit à sa mort, vous n'allez jamais construire d'industrie là-dessus. Je lègue ça à l'Angleterre comme étant un lieu où marcher. C'est le genre de femme qui, à un moment donné, a commencé à s'exprimer en disant, oui, je suis une femme, oui, je suis une femme d'affaires, et il y en a d'autres, il y en a d'autres avant moi. Quand ces femmes-là vont commencer à vouloir mettre en avant d'autres femmes qui sont passées avant elles parce qu'elles osent, je dirais, commencer à ouvrir la voie, je pense que là, on a vu quand même un changement. C'est par les femmes que ça... Les femmes qui parlent d'autres femmes? Moi, je pense qu'il y a vraiment eu le mouvement féministe. Oui. Les années 70, vous parliez un peu des personnes un peu avant. En effet, les années 50, on a parlé de Simone de Beauvoir, Evelyne Sudreau, etc. Mais vraiment, ce qui a été déterminant, je pense, c'est vraiment les mouvements féministes des années 70 qui demandaient des droits collectifs, le droit à l'avortement, le droit au corps, à la représentation du corps et notre corps nous-mêmes, c'était la revendication phare. C'est-à-dire que vraiment réapproprier son corps, c'est réapproprier aussi sa procréation, c'est dire non à tout ce qui est en dehors. Et aujourd'hui, avec le mouvement contre les violences sexuelles, c'est la continuation vraiment de ces mouvements-là. Et ça a été un mouvement déterminant. Oui, absolument. Quel poids a eu vous parliez de l'importance du mouvement féministe, les études féministes, gender studies, études de genre, quel poids ça a eu? Un poids important, certainement, mais est-ce qu'il n'y a pas à contrario, des femmes qu'on a décidé d'éclairer, qu'on n'aurait peut-être pas éclairées? Je pense à un exemple. On a fait une émission sur Clara Schumann, compositrice, musicienne importante, femme de Robert Schumann, mais l'invité me disait oui, mais bon, à côté de Robert Schumann, elle ne fait pas le poids. Est-ce qu'il n'y a pas des exemples de femmes sur lesquelles on décide de jeter un éclairage parce qu'elles sont femmes et qu'on n'aurait peut-être pas parlé de cette femme si ça avait été un homme. Évelyne Ferron. Peut-être, mais en même temps, est-ce si mal? Moi, personnellement, je veux dire, ce que je trouve bien quand même depuis les mouvements féministes des années 70, le fait qu'on commence aussi à parler beaucoup des femmes en sciences, entre autres. Oui. On a été lente là-dessus, de femmes noires dans la NASA, dans les, tout ce qui s'appelle l'aéronautique, dans l'informatique aussi. On avait occulté ça pendant longtemps. Peu importe que si ton rôle n'est pas égal à un autre homme, je veux dire, c'est comme une fleur. Là, je vais vous citer un moine bouddhiste, mais une fleur, une rose, je veux dire, elle fleurit, elle regarde pas si l'autre rose fleurit plus que l'autre. Je trouve que c'est ça. Je trouve que tant qu'on fournit enfin des modèles et qu'on dise oui, ça a existé. Mm-hmm. Et regarde comment c'était intéressant. Moi, je vois pas le problème. Et je retiens, pour terminer là-dessus, Alan Cohen, qu'actuellement, il y a des moments où on décide, où, qui sont des déclencheurs. On est dans un tel absolument, moment. Absolument. Je pense que c'est pour ça qu'on a cette émission aujourd'hui. Ouais. Vraiment. Ouais. Quand vous y réfléchissez un peu, il y a une telle demande d'éclaircissement de ce moment de MeToo qui est vraiment extraordinairement important. Et donc, on redécouvre Camille Claudel. Elle était totalement oubliée. Ouais. On redécouvre comme ça, grâce à ces mouvements, finalement, qui sont des mouvements qui dépassent même les personnalités. Hein. Il y a ce débat sur Asia Argento. Est-ce qu'elle a utilisé son pouvoir sur quelqu'un d'autre? Peut-être, mais au fond, ce qui est important, c'est le mouvement qui a été déclenché avec MeToo, qui est beaucoup plus large que même ses orientations initiales. Yolande Cohen et Évelyne Ferron, merci. Vous restez avec nous parce qu'on va vous retrouver dans d'autres segments de l'émission. Vous aviez quel âge déjà quand vous avez commencé à travailler? 10 ans. Quand j'ai commencé, j'avais $1.75 pour 6 jours de travail. Mais je pense c'est que... C'est pas 6 jours de 8 heures, ça? Non, c'était 6 jours de 10 heures. Est-ce que c'était dans l'industrie de l'aiguille? Non. À ce moment-là, j'ai commencé, j'ai fait toutes sortes de choses. J'ai commencé dans des fleurs artificielles. Ce n'est qu'en 1914, je pense, au commencement de la guerre de 14, que j'ai vraiment commencé dans l'industrie de l'aiguille. Ce qu'on appelait le rag business. À ce moment-là, oui, on appelait ça le rag business. Est-ce que c'était un nom mérité d'après vous? À ce moment-là, oui. Oui, à ce moment-là, c'était vraiment un rag business. C'était parce comment? Que il y avait des petites manufactures dans des maisons privées. Il y avait, par exemple, un employeur qui pouvait louer une maison pour lui et sa famille de 4 chambres. Et dans une chambre, il ouvrait une manufacture. Et toute la famille travaillait avec nous, vous savez, c'était pas très propre, c'était pas hygiénique, c'était pas... Il y avait pas de conditions. Tout à l'heure, vous m'avez demandé quelles conditions... quelles conditions on travaillait, mais mon Dieu, je peux pas vous parler des conditions. Il y en avait pas de conditions. On pouvait commencer à 7 heures le matin, on pouvait commencer à n'importe quelle heure, puis il n'y avait pas d'heure pour finir non plus. Yvette Charpentier, ouvrière syndicaliste du début du 20e siècle, qui répondait aux questions de Michel Tisser à l'émission Aujourd'hui, en février 1967. Yvette Charpentier fait partie de ces femmes oubliées par l'histoire. Yolande Cohen et Sophie Doucet, qui joignent à nous, qui est doctorante, bonjour, en histoire à l'UQAM. Bonjour, Sophie Doucet, merci d'être là. Vous êtes toutes les deux, Yolande Cohen et Sophie Doucet, en train de préparer un projet qui, justement, veut éclairer ces femmes, ces oubliés de l'histoire. Un mot, peut-être, Yolande Cohen, d'abord, pour nous dire qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Oui, c'est un projet que nous avons avec ma collègue Magda Farny, puis Sophie Doucet et Christine Chevalier-Caron font la recherche. Et on a décidé, finalement, d'illustrer la ligne du temps qui est un genre de chronologie de l'histoire des femmes du Québec qui est sur le site du RECIEF, qui est le réseau québécois de recherche en études féministes. Et pour justement illustrer cette histoire qui est très peu connue, à la fois par des événements marquants pour l'histoire des femmes, mais aussi pour l'histoire du Québec, et aussi par des biographies. Donc on va mettre ces biographies en ligne. Il y en a déjà un certain nombre qui y sont, et on en a fait une vingtaine à peu près ces derniers mois, dont Sophie va nous parler, et qui illustre justement la diversité des parcours de ces femmes, diversité extraordinaire qu'on redécouvre nous-mêmes en regardant les archives. Donc une vingtaine pour l'instant, mais Sophie Doucet, comment décidez-vous de qui aura l'honneur d'être sur cette ligne de temps? Comment se fait le choix des femmes qui vont être dans ce projet? Ben, je pense qu'on a choisi un peu en fonction, on voulait des femmes qui n'étaient pas très connues, vraiment pas connues, oui, idéalement. Oui, c'était vraiment un critère. Oui, des femmes issues de divers milieux, notamment ethniques et culturels. Oui. Et aussi, il fallait qu'elles aient laissé des archives. Donc ça, c'est un critère essentiel parce qu'il faut travailler à partir de quelque chose. Ouais. Et d'ailleurs, les gens ne vous voyaient pas. Vous avez travaillé, un des portraits que vous avez fait, c'est une première oubliée que vous voulez nous présenter, Yvette Charpentier, qu'on entendait. Oui. Et je voyais le plaisir que vous aviez à entendre cette archive. Oui, vraiment, j'avais jamais entendu. Qui est-elle, Yvette Charpentier? Pourquoi elle mérite le détour? Yvette Charpentier, en fait, c'est une syndicaliste. Elle a été surnommée la marraine des Midinettes. Les Midinettes, c'était les ouvrières de l'industrie du vêtement qui sortaient en bande le midi pour prendre le soleil. Donc, elle était née dans un quartier populaire sur le plateau, à l'époque où les condos étaient pas mal moins chers. et elle a commencé, comme elle le disait, à travailler en usine à l'âge de 10 ans. Jusqu'à l'âge de 30 ans à peu près, elle a travaillé dans des conditions terribles, dans des milieux insalubres, donc dans la précarité, jamais de vacances, des milieux aussi marqués par le favoritisme, le harcèlement. Quand elle tombait malade, c'est arrivé plusieurs fois avec les conditions dans lesquelles elle travaillait. Puis elle revenait pour reprendre son emploi, quelqu'un avait pris sa place, donc... Mais ce qui est intéressant avec elle, c'est que bien sûr, elle témoigne de ses conditions difficiles à l'époque, dans les manufactures du Québec ou d'ailleurs en Occident, mais elle va réussir à changer les choses. Exactement, parce qu'en 1937, elle va adhérer à l'Union internationale des ouvriers du vêtement pour dames. Donc, 1937, c'est dans le premier mandat de Maurice Duplessis. On se souvient qu'il n'était pas particulièrement sympathique... Au féministe. Ni sympathique au mouvement syndical. Donc, elle va participer cette année-là à une grève générale qui mobilise 5000 ouvrières du vêtement pour dames pendant 25 jours. À l'issue de cette grève, les Midinettes obtiennent la semaine de 40 heures, le samedi de congé, puis 10% d'augmentation de salaire. Et c'est là qu'elle comprend le pouvoir de l'Union et qu'elle va s'impliquer dans le syndicat pour le reste de sa vie, créant entre autres des cours pour les Midinettes, des cours de français, d'anglais, de mathématiques, parce qu'elle voulait non seulement leur redonner de meilleures conditions de travail, mais leur redonner une dignité par l'instruction. Elle qui avait souffert de pas quitter l'école. Une démarche d'affranchissement, en fait. Complètement, oui. Autre femme qui se retrouve dans ce projet et dont vous vouliez nous parler, c'est Annie MacDonald-Langstaff. Oui. Annie MacDonald-Langstaff, c'est la première femme diplômée en droit d'une université québécoise. Elle était diplômée de McGill en 1914, mais elle va se battre toute sa vie pour pouvoir obtenir le droit d'exercer sa profession d'avocate. En fait, elle est née en Ontario en 1887 et elle va déménager à Montréal après sa séparation avec son mari et travailler comme sténographe dans un cabinet d'avocat. Puis c'est là qu'elle découvre le droit. Elle décide de s'inscrire en droit à l'Université McGill. Elle obtient son diplôme en 1914, fait une demande au barreau. Première femme diplômée avec grande distinction, et fait une demande au barreau pour passer les examens. Et se voit refuser ce droit sous prétexte qu'elle est une femme et qu'elle n'a pas la permission écrite de son mari. Ouais. Mari qui est disparu dans la brume. Donc, choquée par cette injustice, elle va présenter son cas devant les tribunaux. Et sa requête sera rejetée par la Cour supérieure, puis par la Cour du banc du roi, avec un juge dissident. Puis les arguments des juges, c'est vraiment, c'est pas la place d'une femme. Certaines questions soulevées devant les tribunaux pourraient choquer sa morale. Ça a toujours été comme ça. Incroyable. Pas de femme avocate, donc ça doit le rester. Mais elle est très tenace. Oui. Évidemment, c'est un échec total. Le barreau dit non. La magistrature, donc les cours disent non. Elle se dit, j'attaque ce... Et là, racontez-nous ça quand même, parce que c'est un long combat qui l'attend. Elle dit, je vais déplacer ce combat-là sur la scène politique. Voilà. L'affaire va aboutir au Parlement, comme vous l'avez dit, où 7 projets de loi vont être présentés entre 1916 et 1941. Pendant ces années-là, il faut qu'elle travaille. Hein? Elle est une mère monoparentale. Donc, elle va être représentante parajuridique, elle va écrire des articles en droit de la famille, elle va aussi écrire un dictionnaire de droit bilingue, et dans ses temps libres, elle sera aviatrice. puis toutes ces années-là, elle continue de faire pression pour que les femmes soient admises au barreau, ce qui va arriver en 1942, finalement, dans la foulée de la loi qui donne le droit de vote aux femmes aussi, au Québec. 1940 au Québec. Ouais. Fascinant, Sophie Doucet. C'est donc deux exemples, mais il y en a pour l'instant une vingtaine. Et puis, Yolande Cohen, comme c'est aussi votre projet, vous vouliez pas être en reste, vous nous présentez, vous, Alice Girard. Oui, Alice Girard est vraiment un autre modèle de femme, parce que ce qu'il y a d'extraordinaire quand on lit ses biographies, c'est la richesse et l'intensité du travail qui est développé par ces femmes pour essayer de réussir ce dans quoi elles sont bonnes. Et Alice Girard, c'est vraiment un autre exemple. Alors, elle est une pionnière des soins infirmiers au Québec. En fait, la faculté des soins infirmiers de l'Université de Montréal, il y a beaucoup de choses qui portent son nom, parce qu'elle vient d'un milieu très modeste, mais elle est bilingue et elle décide, comme beaucoup de ces femmes, de rester célibataire pour faire une carrière, la carrière qu'elle veut avoir dans l'enseignement. Au début, elle commence par un brevet de pédagogie à Saint-Hyacinthe, puis ensuite elle va, parce que c'est plus facile finalement, on peut gagner sa vie en même temps que étudier, donc elle va à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul de Sherbrooke pour faire une formation d'infirmière. Ouais. Et très vite, elle commence à aimer l'administration des soins infirmiers. Et par le biais de l'administration des soins infirmiers, elle devient assistante d'un médecin dans les cantons de l'Est, mais surtout, elle développe une expertise en hygiène publique. Mmh. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que par le biais de l'hygiène publique, ces femmes qui sont des hygiénistes et qui utilisent beaucoup le CARE pour intervenir vont rentrer dans les spécialités de médecine sociale et préventive, comme on l'appelait à ce moment-là. Ouais. En fait, c'était de la santé publique. Elle va gravir tous les échelons. Elle gravit tous les échelons et surtout, continuellement, elle mêle formation, éducation, c'est-à-dire qu'elle va chercher des diplômes, elle va aux États-Unis, elle revient, elle va à Toronto, elle va à l'Université de Montréal et elle devient en fait la doyenne, la première femme doyenne dans les universités du Québec à 55 ans en 1962. Elle prend la direction de la faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. On va vous retrouver, Sophie Doucet et Yolande Cohen, à la toute fin de l'émission. Madame Cohen, un peu avant, mais vous nous donnerez les coordonnées parce qu'on va terminer cette émission avec des suggestions de lectures, de livres, de films à voir et de sites Internet à consulter. Votre Altesse royale, vous avez écrit beaucoup sur les femmes royales, légitimes et illégitimes. Deux excellents livres. J'ai devant moi Ces reines venues d'ailleurs, que j'avais lu dans le temps, et je me rappelle de cette phrase, le sens inné du devoir, qui est votre conclusion sur toutes ces femmes à travers l'histoire. Vous l'avez trouvé chez les reines et les maîtresses royales, les gentilles et les moins gentilles, les intelligentes et les moins intelligentes. Elles ont toutes répondu à un sens inné du devoir. Est-ce que c'est votre conclusion sur les royautés et les femmes royales en général? Je crois que c'est plus que cela, plus que la royauté. C'est une question de privilège, de femmes privilégiées ou d'hommes. Mais nous parlons ici de femmes. Il n'existe aucune justification au privilège sans l'obligation. Le privilège implique automatiquement le sens de l'obligation, le sens du devoir. Et c'est toujours vrai aujourd'hui, particulièrement aujourd'hui où le privilège est injustifiable. La royauté est un privilège, l'aristocratie est un privilège. Comment justifier un statut aussi spécial, à moins d'avoir un devoir et une obligation à remplir? La princesse Michael de Kent, Marie-Christine von Reibnitz, qui est une spécialiste des femmes dans la royauté, à l'émission Scully Rencontre, animée par Robert Guisculli en mars 1998. C'est peut-être autour de cette monarchie, de cette idée de monarchie que se retrouve le plus grand nombre de femmes qui sont passées à l'histoire. Mon collègue journaliste Marc Laurendeau, qui a participé à notre émission sur Élisabeth II, est avec nous. Marc, bonjour. Bonjour. Pour nous parler un petit peu de la place qu'ont occupée les femmes dans la monarchie. Et vous avez fait les choses très sérieusement, comme toujours, Marc, avec des catégories. Vous avez divisé cette place des femmes dans la monarchie en trois catégories. Oui. D'abord, les reines, épouses et mères. Ouais. C'est-à-dire, bien sûr, elles obtiennent ce statut grâce au droit divin et à la naissance. Elles ont, celles qui sont épouses et mères, qui règnent mais ne gouvernent pas, elles ont des honneurs, mais peu de pouvoir. Elles brillent d'une lumière empruntée. Elles doivent absolument avoir une vie exemplaire, parce qu'autrement, on soupçonnerait que leurs enfants sont des bâtards. Elles s'occupent généralement de divertissement, de danse, de décoration, des arts, de la mode. Elles doivent donner assez rapidement naissance à un fils pour éviter la répudiation. Donc, c'est un certain carcan, une certaine servitude. Il y a aussi les souveraines régentes. Votre deuxième grande catégorie. Deuxième grande catégorie. Ça, c'est vraiment le symbole de la femme au pouvoir. Elles gouvernent au nom d'un autre, le fils mineur ou le roi malade. Et souvent, il y a des périodes de contestation houleuses. Il y a eu de grandes régentes. Catherine de Médicis, oui. épouse d'Henri II, qui avait comme maîtresse Diane de Poitiers et qui était un peu gougeant envers elle. C'est-à-dire qu'il courait sa maîtresse de bijoux oui. de façon ostensible, l'amenait à la cour, tout ça. Elle était mère, Catherine de Médicis, de trois rois de courte durée et d'une reine aussi. Marguerite de Valois, la reine Margot. Ouais. Et comme épitaphe, on avait suggéré pour sa tombe « Je n'ai point été roi, mais j'ai aimé faire des rois et leur commander. » En fait, elle était conciliatrice. Le rôle de mère dont on parlait un peu plus tôt ouais. hein, avec Yolande Cowen et Evelyne Ferron qui se retrouvent même dans la monarchie. Ouais. C'est important. Oui. Oui, c'est une dimension importante. Ouais. Mais elle, en plus, sur le plan politique, c'est une conciliatrice ouais. dans la guerre entre les catholiques et les protestants. Elle n'était pas fanatique. Elle essayait de trouver ouais. une solution. Elle a toute fait, elle a dû endosser mm-hmm. le massacre de la Saint-Barthélemy, mais vraiment par calcul, parce qu'elle n'était pas en favorable de ça. Autre exemple de ces souveraines oui. régentes, Marie de Médicis. Oui, peut-être moins bien préparée. Femme d'Henri IV, mère de Louis XIII, elle aimait les coteries, elle s'entourait de favoris qui ont été détestés, comme Concini. On dit que Louis XIII l'a fait assassiner, d'ailleurs. Mais c'était une époque où elle maîtrisait peut-être moins bien la cour. Elle était ouais. plus détestée que l'autre que je vous ai cité. Il y a eu aussi Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV, qui a bien préparé le terrain et qui a préparé le terrain pour Louis XIV, bien sûr. Dans le cas de Marie de Médicis, je veux préciser que c'est elle qui a recruté Richelieu. C'est pas trop bête d'avoir fait ça. Ouais. Alors, voilà trois régentes, mais ce que je vous dirais comme caractéristique, c'est que c'est difficile pour ces femmes-là de redonner le pouvoir. Oui. Dans les trois cas, elles oui. se sont accrochées au souverain qui devait succéder. Parce que c'était dans le contrat, hein, oui, entre guillemets, oui. C'est des reines de passage, oui. mais quand on a eu le pouvoir entre les mains, c'est difficile d'y renoncer. Troisième catégorie, là, on rentre dans le costaud, Marc Lorando. Les reines qui règnent, qui gouvernent. Oui, parce que, suivant la loi en France, la loi salique, la femme ne gouverne pas. Le royaume ne serait tombé en quenouille, disait-on. En Angleterre, en Russie, en Autriche, par contre, même si c'est venu tardivement, les femmes peuvent gouverner. Donc, aucune Française dans cette troisième catégorie. Non, mais des femmes costaudes qui ont régné, costaudes sur le plan intellectuel, oui. sur le plan des capacités. Et ce que je remarque comme caractéristique, ce sont des femmes qui ont toujours correspondu à un âge d'or de leur pays. Je commencerai par Élisabeth Ière. Oui. 40 ans de paix qu'elle a assuré, un sommet de la civilisation anglaise, début studieux dans l'ombre, on la soupçonnait d'être une bâtarde. Elle n'était pas fanatique sur les questions religieuses. Elle disait, le Christ, la religion, ça va, mais on ne va pas se battre là, entre ouais. protestants. Mais évidemment, elle a dû prendre parti et éliminer évidemment sa cousine qui complotait contre elle, Marie Stuart. Ouais. Elle adorait le théâtre. Elle utilisait les portraits pour faire sa propagande. On les voit avec un globe terrestre ou avec la marine espagnole mm-hmm. qui plongeait dans la mer. À son époque, on a vaincu l'invincible armada espagnole. L'Angleterre, à son époque, s'est rendue maîtresse des océans. Elle ne laissait pas les affaires de cœur, contrairement à sa cousine Marie Stuart, mm-hmm. prendre le dessus. Elle avait des amants, bien sûr, mais elle ne leur donnait pas l'initiative du jeu. Et puis, elle avait une vision aussi. Alors, voilà une grande souveraine. Et est-ce que je vous écoute, puis en fait, il y a des attributs qui sont liés à la fonction. Ne pas laisser ses amours intervenir dans la raison d'État, Louis XIV. Enfin, ce n'est pas féminin ou masculin, c'est la fonction qu'il exige. Ouais. Ça, on le retrouve aussi. Il y a eu des rois et des reines frivoles. Hein. Louis XV, par exemple, oui. a été détourné véritablement de ses fonctions oui. par sa vie, appelons-la, amoureuse. Autre grande figure, Marc, Catherine la Grande. Catherine la Grande, elle correspond aussi à un âge d'or, c'est-à-dire que c'est un despote éclairé. Elle savait bien s'entourer, notamment par le ministre Potemkin, à la fois pour les guerres et pour la diplomatie. Elle accroît le territoire de la Russie. Elle donne à la Russie l'accès à la mer Noire. Elle était très sympathique aux philosophes des Lumières, Voltaire, Diderot, qu'elle invite même à Saint-Pétersbourg. Oui. C'était une femme d'idées. Elle écrivait en français. Elle écrit une abondante correspondance. Et c'était une mécène au goût sûr, mm-hmm. l'Ermitage. Mm-hmm. C'est elle qui, en faisant des achats à travers l'Europe de tableaux, a construit ce grand musée qu'est l'Ermitage. Donc, les idées des Lumières, au début, elle les adoptait. Mais évidemment, quand est arrivée la Révolution française, elle a pris ses distances. mais c'était une grande reine. Ouais. Elle correspond à un âge d'or, vraiment, de la Russie. Une impératrice tout à fait digne de Pierre le Grand, qui, comme elle, avait ouvert l'Europe, c'est-à-dire la Russie à l'Europe. Ça a été continué par Catherine II. Son héritière, en fait. Oui, elle n'était même pas russe, hein, elle était allemande. C'était une princesse, obscure princesse allemande, d'une principauté inconnue qu'on a emmenée là, puis qui s'est adaptée à la situation et qui savait bien s'adapter. Marie-Thérèse d'Autriche. Marie-Thérèse d'Autriche, c'est une mère de 16 enfants, 40 ans de règne, et qui a bien administré les États héréditaires des Habsbourg, dont elle a hérité, évidemment. Elle était loin des idées à la mode de l'encyclopédie. Elle n'aimait pas ça. Elle trouvait ça prétentieux. Et c'était une catholique fervente, bigote. Elle savait supplier, cajoler. « Venez à l'aide d'une pauvre femme », écrivait-elle à des monarques voisins parfois. Elle avait le génie de la communication. Elle s'incarnait comme une bonne mère auprès de, qui s'occupe de ses enfants. Ouais. Elle avait un mari volage, François-Étienne. Elle l'a toléré. Elle prenait les décisions seule, en lui faisant croire qu'il partageait le pouvoir. Elle a eu des accouchements difficiles et au sortir desquels, elle devait gérer des batailles que son armée avait perdues. Ah, une femme extraordinaire, là. Et qui prenait soin de ses enfants, disiez-vous, mais encore une fois, avec la raison d'État en tête, parce que c'est fou comme elle a placé ses différents enfants sur toutes les couronnes d'Europe. Oui, y compris Marie-Antoinette, à qui elle envoyait des lettres d'admonestation, parce qu'elle n'était pas du tout d'accord avec ses frivolités, ses perruques et son gaspillage, ses bijoux. Ouais. On dirait de nos jours, elle la conseillait, on dirait même, si je peux me permettre le terme, elle la coachait par des lettres continuelles. Ouais. Victoria, on termine avec cette incontournable reine britannique. 60 ans de règne, 63 ans et 7 mois, elle a créé l'Empire, elle a participé à l'Empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais. C'est sous son règne que s'est développé le Commonwealth. Elle a eu la sagesse de s'appuyer sur des bons conseillers. Lord Melbourne, même son mari, qui est mort prématurément, sur lequel il s'est appuyé un temps pour les conseils, et était de bon jugement. Elle s'est appuyée à la fin de sa vie sur Disraeli, un excellent premier ministre. Morale très stricte pour ses enfants, parce que dans la dynastie des Hanovre, il y a eu toutes sortes de scandales sexuels à la cour. Puis elle-même avait été élevée dans une espèce d'austérité. Alors, très puritaine, c'est pas un mythe. À la fin de sa vie, elle était recluse, vêtue de noir, corpulente. Elle avait de la misère à se déplacer. Alors là, elle a perdu de la popularité parce qu'on ne la voyait plus. On lui a écrit, puis elle s'est comme remontrée. Là. Il y a un de ses oncles, Léopold, qui lui a dit... Parce qu'une reine doit être vue. Oui. Un souverain doit être visible. Ouais. Elle a fait progresser la monarchie constitutionnelle. Et il y a eu des réformes électorales qui ont donné plus de voix à la population britannique. Elle s'intéressait aux jeux parlementaires et au gouvernement. Et parfois, elle disait... Vous allez nommer ce gouvernement, mais je ne veux pas de tel ministre. Et on l'écoutait. Hein? Ouais. Alors, une grande reine, et puis, comme les trois autres dont je vous ai parlé, elle a correspondu à un âge d'or de son pays. Ouais. Bravo, Marc. Beau tour d'horizon en assez peu de temps. Puis il y a des portraits qui valent la peine, qui valent plus de temps. Entre autres, on fera, si vous le voulez, Victoria, en émission d'Aujourd'hui d'Histoire. Oui, parce que c'est beaucoup plus complexe. Il y a chez Victoria un côté sombre, un côté intriguant. À la fin, quand elle était recluse, elle écrivait plus qu'elle ne se montrait. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Ça doit faire l'objet d'une émission, en effet. Rendez-vous est pris. Et on retrouve à nouveau Évelyne Ferron et Yolande Cohen pour parler. On a parlé de quelques oubliés du Québec, du Canada. Mais avec vous, mesdames, on va parler de grandes oubliées. Mais là, vraiment, on va parcourir l'histoire de l'Antiquité au temps moderne et on va parcourir le monde entier. Évelyne Ferron, première figure pour nous à Chipsuit, qui a cette caractéristique intéressante dans une émission comme celle qu'on fait aujourd'hui, d'être un bon exemple de femme dont on a tenter d'effacer la trace dans l'histoire. Oui, totalement. On appelait ça la damnatio memoriae, donc effacer la mémoire pour que les gens ne s'en rappellent pas. Et pourquoi on dit que c'est une des grandes oubliées? Aujourd'hui, on la connaît à Chipsuit, mais c'est assez récent, c'est qu'on a redécouvert en fait la tombe de son vizir qui en parle. On a redécouvert en fait des monuments, des inscriptions qui la mentionnaient. Sinon, elle serait elle vraiment... n'existait plus. Elle n'existait pas dans les registres. Elle était effacée complètement dans ce qu'on avait là, des lignées pharaoniques. Et pourquoi elle a été effacée? C'est que c'est une femme, effectivement, qui, un peu comme le disait Marc Laurando, a été régente dans un contexte qui est très particulier. Donc, on est au Nouvel Empire de l'Égypte pharaonique. C'est l'époque des grandes dynasties. C'est l'époque des Toutmosides. Alors, son père est le grand Toutmosides. Ier, celui d'ailleurs qui va mettre en place la vallée des rois, si ça peut aider les gens. Mm-hmm. Donc, c'est de lui que vient l'idée, en fait, d'inhumer les rois dans un côté plus caché. Il a un fils, Toutmosis II, de santé fragile. Il a Hatshepsut. Et il se rend compte, c'est un peu comme pour Cléopâtre, en fait, il se rend compte, et même Marie-Thérèse d'Autriche, il se rend compte que sa fille, même si c'est une fille, elle est intelligente. Ouais. Elle est intelligente. Et pourquoi je ne la formerais pas à l'État et je ne lui montrerais pas les choses de l'État, ben, même si c'est une femme? Il voyait que son fils qui allait prendre le pouvoir n'allait peut-être pas vivre très, très longtemps. Donc, il va les marier. Ils ne sont pas de la même mère, je tiens à le dire. Oui. Ça, c'est important. Toutmosis II aura un fils, Toutmosis III. Donc, elle est comme un peu la demi-sœur, la belle-mère. C'est un peu compliqué de ce jeune Toutmosis III qui est tellement jeune qu'il ne peut pas régner. Et donc, à la mort de Toutmosis II, ben Hatshepsut se dit « OK, ben je vais prendre le pouvoir. » Et elle a mis en place toute une imagerie où elle est représentée en homme avec la barbe postiche d'Osiris. Elle assume en fait complètement les habits masculins, mais pourtant elle prend un nom qui est féminin. C'est la première femme à avoir fait ça. Les pharaons d'habitude prenaient des noms. Ramsès veut dire le bien-aimé du dieu Ré. Elle va s'associer à la déesse Maat, la justice. Et c'est probablement un des règnes d'une femme qui a réussi pendant 20 ans, Jacques, à maintenir l'équilibre politique, économique et diplomatique avec le Proche-Orient sans aucun problème. Et c'était votre petite incursion le terreau de Marc Laurando, parce qu'on est dans la royauté, mais c'est l'Égypte. Donc c'est l'Égypte. Marc vous l'a permis. Et il est effacé de l'histoire par Toutmosis III, qui, une fois qu'il prend le pouvoir, se dit pas question qu'on se rappelle qu'elle, pendant 20 ans, elle a assumé ça à ma place. Alors, on fait buriner son nom de tous les monuments, et pendant longtemps, on ne savait pas qui elle était. On avance un peu dans le temps, Évelyne Ferron. On se retrouve au Moyen-Âge, au 12e siècle, avec la figure de Hildegarde de Bingen. Oui, parce qu'on parle pas souvent des religieuses dans l'histoire des femmes, mais selon moi, ce sont les premières féministes. Ce sont celles qui se sont dit, plutôt que de me voir imposer un mari, de subir des fois des conditions difficiles, moi, je vais être éduquée. Et d'entrer dans un couvent, j'avais cette possibilité d'être éduquée. Certaines deviendront missionnaires. Pensons à nos Augustines, pensons aux Ursulines. Eh bien, Hildegarde de Bingen arrive dans ce courant-là à une époque quand même assez particulière de l'Europe. Là, c'est les croisades, il se passe beaucoup de choses. Et c'est l'époque vraiment où on dit que la femme, elle vient de la côte d'Adam et c'est pour ça qu'elle est inférieure. Et cette femme-là va devenir abbesse d'un grand couvent. Et c'est une des premières à dire, moi, les femmes qui vont rentrer dans mon couvent, je vais les instruire. Moi, je n'ai pas eu d'instruction, mais elles seront instruites. Donc, on va mettre en place un programme d'apprentissage au départ par la musique, parce que c'est plus facile si on n'a jamais appris à lire et à écrire. Et graduellement, plusieurs d'entre elles vont apprendre à lire, à écrire et vont pouvoir s'occuper de l'administration du couvent, administrer la nourriture qui est produite, etc. Et c'est une femme qui a laissé, elle était aussi une mystique, elle a laissé quand même des traités mystiques, mais elle a laissé deux traités de médecine et c'est pour ça qu'on la reconnaît le plus. C'est probablement une des premières femmes scientifiques connues de l'histoire. Elle faisait ses propres remèdes, ce qui était vu comme étant très étrange par les médecins et même par l'Église catholique, mais parce que ça fonctionnait, les pèlerins qui passaient sur son territoire s'arrêtaient et disaient « elle m'a guéri ». La papauté l'a laissé faire. Et donc, elle nous a laissé deux traités de médecine. Et c'est grâce à elle, Jacques, que le houblon est arrivé dans la fabrication de la bière. Ah bon? Et oui, elle a réalisé que beaucoup de gens décédaient en faisant de la bière. Parce qu'on buvait plus de bière que d'eau. On pensait que l'eau était souvent contaminée. Mais la fabrication de la bière artisanale était pas nécessairement toujours bonne. Il y a certaines bactéries, en fait, qui rendaient les gens malades. Et elle a réalisé que le houblon était non seulement un antiseptique, mais allait donc favoriser, en fait, peut-être même une bonne santé. Et à partir de ce moment-là, tous les monastères ont commencé vraiment à faire les recettes de bière. On est en Allemagne. Hein? Bravo et merci, Hildegarde. On termine avec... Elle était peut-être un peu oubliée à une certaine époque, mais elle est sortie de l'ombre. Ouais. Mais quand même, on ne se privera pas du plaisir d'en parler un instant. Olympe de Gouges. Oui, on est dans le contexte de la Révolution française. On a une femme qui... commun à l'époque, est mariée quand même très jeune. Le mari décède et elle réalise qu'elle veut écrire. Et pour être une auteure, eh bien, elle ne doit pas avoir de mari. Elle ne doit pas se remarier parce qu'elle ne pourra pas publier sous son nom. C'est l'homme qui va gérer, en fait, tout ce qu'elle pourrait écrire ou publier. Donc, elle décide de rester célibataire, même si elle aura des amants qui vont l'entretenir et lui donner les moyens d'écrire des pièces de théâtre. Mais c'était donc une volonté politique. Moi, je ne me remarierai plus parce que je veux garder le contrôle sur ce que je vais publié. Donc, on la reconnaît beaucoup comme auteur de billets, de pamphlets, saveurs politiques et de pièces de théâtre, entre autres en faveur au début de contre l'esclavage des Noirs. Elle va provoquer avec ça. Elle va y aller. Elle faisait exprès, en fait, dans le texte pour vraiment bousculer une société qui, on vient de sortir du Code noir de Louis XIV, là, est encore un petit peu, je dirais, provoquée par l'idée qu'on considère le Noir comme étant à égalité, en fait, avec les Blancs. Donc, déjà, les révolutionnaires là-dessus, mais surtout avec la Révolution française, elle réplique à Marie-Antoinette en disant « Je publie la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Vous avez fait les droits de l'homme et du citoyen. Où est la femme là-dedans? Elle a le droit de divorcer. Elle a le droit d'être une citoyenne active. » Et c'est là qu'elle va planter la petite graine qui me servira pour mes références tantôt, Jacques, en disant « Éduquez donc les femmes. Ouais. » Moi, j'ai la chance d'aller dans les salons avec des Ninon de l'Enclos et tout ça qui sont passés avant. Et quand on est éduqué, on peut devenir une citoyenne active. Et ça, c'est le sous-message qu'elle laissera dans l'histoire. Mais cette révolutionnaire qui dépasse l'esprit de la Révolution va finir guillotinée. Elle disait si les femmes peuvent être sur l'échafaud ou elles devraient pouvoir voter, eh bien, on l'a envoyée sur l'échafaud en 1793 et bye-bye, ou Olympe de gauche. Yolande Cohen, vous avez une petite faiblesse. On s'est dit, ah tiens, on va quand même lui permettre de jeter un peu d'éclairage sur cet oublié, Guénia Avril de Sainte-Croix. Oui, c'est une femme remarquable et qui est complètement oubliée. Personne ne la connaît, je suis sûre, mais qui a participé dès la fin du 19e siècle à ces mouvements très peu connus qui précèdent le mouvement pour le droit de suffrage. Elle participe au droit de suffrage éventuellement, mais elle commence par être une militante pour défendre les femmes prostituées. Oui. Alors, les femmes prostituées, pourquoi est-ce qu'elles s'y intéressent? C'est qu'en fait, avant même que le mouvement féministe ne connaisse son apogée, son moment d'effervescence à la fin des années 1890, ces femmes s'organisent autour de groupes qui défendent les jeunes filles. Et c'est un peu des moralistes. On va les appeler des puritaines au Canada et aux États-Unis. Mais en fait, elles utilisent leur position morale, une morale qui serait finalement celle des femmes qui reconnaîtraient la primauté de l'égalité de la morale. Elle recommande une égalité de la morale des hommes et des femmes. Et donc, elles viennent à la défense des prostituées parce que, justement, les règlements qui existent à ce moment-là sont des règlements qui reconnaissent le droit aux hommes de fréquenter des prostituées, mais qui soumettent les prostituées à un contrôle médical accru et à la police. Et donc, elle va s'élever contre ça. Elle crée... C'est le mouvement de ce qu'on appelle le mouvement des abolitionnistes à l'époque. C'est le mouvement abolitionniste. Et elles reprennent le terme, justement, de l'abolition d'esclavage pour montrer que, finalement, la prostitution, c'est comme une forme d'esclavage et contre lesquelles, justement, elle s'élève. Et donc, Guénia Avril de Sainte-Croix va militer de manière très intense pour l'abolition des règlements de la prostitution. Et ensuite, elle va siéger dans plusieurs organisations, dont la commission de la Société des Nations, qui va être contre la traite des femmes. Oui. Donc, elle va vraiment mener une bataille très importante et qui va rejoindre beaucoup de femmes. C'est déjà le moment de terminer cette émission. Je vous propose un tour de table rapide en rafale, peut-être deux suggestions chacun de livres, de films, enfin, de ce que vous voudrez. Sophie Doucet, puis il y a plein de choses qui se sont dites. Il y a des références, vous allez voir, qui ont trait à ce que vous avez entendu depuis le début de cette émission. Quelles seraient vos deux suggestions, Sophie Doucet? Oui, il n'y a pas grand-chose d'écrit sur Yvette Charpentier, mais sur les femmes ouvrières et le combat syndical, je vous recommande le très beau documentaire de Sophie Bissonnette, « Des lumières dans la grande noirceur », si vous pouvez mettre la main là-dessus. C'est sur Léa Robach, qui est une autre syndicaliste très attachante et fascinante. Et le livre de Denise Baillargeon, « Brève histoire des femmes au Québec », pour avoir une idée de l'ensemble du domaine. Merci, Sophie Doucet, d'avoir accepté notre invitation. Marc Laurendeau. Catherine II, par Hélène Carrère-Dancos, qui est secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Et ce livre est assez récent, 2002. Et c'est un sous-titre, « Un âge d'or pour la Russie ». Deuxième recommandation, c'est le livre encore plus récent d'Elisabeth Badinter, 2016. Il est question de pouvoir dans le titre. Et ce livre, ça porte sur Marie-Thérèse d'Autriche. Et c'est un nouveau portrait. Cette reine était très peu connue. Hein? Et Elisabeth Badinter l'a fait connaître. Donc, on peut encore, c'est fou, découvrir de nouveaux aspects. Aujourd'hui encore, on réussit à trouver dans... dans ces portraits qui datent de siècles et de siècles. Comme elle n'était pas, elle suivait pas les modes, elle n'était pas dans l'encyclopédie et tout ça. C'était pas une reine qui bousculée par ses idées. C'est pour ça qu'on l'a un peu ignorée. À tort, on la redécouvre maintenant. Ouais. Yolande Cohen. Oui, alors moi, je recommanderais le livre « Histoire des femmes en Occident » de Georges Duby et Michel Perrault. Et on était toutes les deux d'accord. Alors, je suis Evelyne vraiment contente. Evelyne qui trépigne de bonheur à côté de vous. C'est ça, c'est ça. Parce que c'est 5 volumes sur toute l'histoire de l'Antiquité à nos jours avec des spécialistes. Il date un petit peu, c'est dommage. Et c'est vrai que ça aurait été bien de le remettre au goût du jour. Mais néanmoins, c'est quand même un très beau, une très belle collection. Le temps médiéval en particulier. Le tome médiéval et le tome contemporain, quand même aussi. Et autre suggestion, j'avais aussi le film sur les suffragettes anglaises qui est sorti l'année dernière, je pense, qui est très bien. Et le site du Reykjav, pourquoi pas faire la publicité de ce site, www.histoiredesfemmes.quebec, sur lequel il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut aller glaner et trouver. Dans ces portraits de femmes dont on a parlé. Des capsules, c'est ça. Des capsules vidéo inédites réalisées justement par Sophie Bissonnette, des renvois à 150 portraits de femmes et d'organisations. Donc, oui. Evelyne Ferron? Gilbert Sinoué, qu'on connaît surtout comme un auteur de romans historiques, a quand même publié un livre qui, ma foi en français, en particulier très rare, qui est « 12 femmes qui ont marqué l'histoire, mais 12 femmes de l'Orient ». Et on parle rarement de l'Orient, mais il y a des femmes quand même qui, des reines, mais parfois aussi, bon, on pense aux femmes samouraïs, qui ont exercé des pouvoirs assez exceptionnels ou qui ont eu des vies vraiment remarquables. Il fait honneur à 12 femmes orientales dans l'histoire, entre autres même à cette esclave de harem, Roxelane, qui a pu marier Soliman, le magnifique. Et autre chose, bien, j'irais aussi avec le fait que, je vous disais que Olympe de Gouges avait fait germer l'idée que pour qu'une femme soit citoyenne, elle devait être éduquée. Donc, dans les auteurs féministes, on parle beaucoup de Mary Wollstonecraft du côté de l'Angleterre, qui a été très influencée par Olympe de Gouges. Et en français, on a la chance d'avoir son traité qu'on a traduit par Défense du droit des femmes. Si vous voulez voir vraiment la naissance du féminisme, je pense que c'est un des livres à lire où on voit vraiment cette réalité de l'éducation est en train de frapper. C'est quand même magnifique. Evelyne Ferron, historienne habituée de l'émission. Merci beaucoup, Evelyne. Mon grand plaisir, Jacques. Yolande Cohen, professeure d'histoire à l'Université du Québec à Montréal. Merci infiniment. Merci. Marc Laurendeau, journaliste, collègue, observateur avisé de la monarchie. C'est toujours un plaisir, Marc. Également. Et Sophie Doucet, merci beaucoup. Belle découverte pour nous. C'était votre première à Aujourd'hui l'Histoire. Vous êtes, je le rappelle, doctorante en histoire à l'UQAM. Merci. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission. À la recherche, Caroline Morin et André Martineau. Recherche d'archives, Mario Bolduc. Au site Internet, Mathieu Arsenault. À la technique aujourd'hui, Patrick Knoop. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous ai morcelé mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi. C'est elle ou moi? Celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie. C'est Jeanne d'Arc.